Cancer on the beat. On a fait le plan du bolide. Venez vous inquiétez pas, on est solide. On a fait le plan du bolide, venez vous inquiétez pas, on est solide. On vous trouve super joli, nous on n'est pas gentil, on est horrible. Le game est déjà cadenassé, les os sont des bras cassés. Nos petits sont badass, hein, s'en fout des gros culs des Kardashians. On fait pas de passation, y'aura aucun coup d'état. Succès de qualité, c'est pas le diable mais Dieu qui est dans mes détails. Y'a plus de snus dans mes dents, mais plus de trucs dans mes pattes. Ce n'est plus la grosseur mais la couleur de l'alias qui m'épasse. C'est Babi champion, c'est les Welles, c'est pas les Chardonnays. Tout le monde m'a vu dans ma galère, c'est ton problème si t'as abandonné. Rover, Mustang, M6, BM, Marco, Benz, les bolis du garage. Impressionne la police au barrage, petit viens jamais traîner dans les barrages, hein. Les petits sont pas humbles, c'est la jungle, son derrière il me semble. Comme Aïcha il tremble, je vais t'étrangle, tu serviras d'exemple. Le plus dur c'est pas d'oublier, mais c'est de pardonner. Ils me font à tout, mais c'est leur niveau d'hypocrisie qui m'épate. Courez, on arrive comme Jean de la. C'est fini, man, ils sont morts, on est gamé comme Jean de la. Gualé, on est gualé. C'est le Dixtor champion, le ticket gualé. Courez, on arrive comme Jean de la. C'est fini, man, ils sont morts, on est gamé comme Jean de la. Gualé, on est gualé. C'est le Dixtor champion, le ticket gualé. Coureux, on arrive comme Jean de la vie. Le game il voit rien, ma chonjou. C'est dans ce tout que je navigue. Pour taper sur vos têtes, je m'applique. La victoire est scellée par le mot j'avais. Ils sont beaucoup trop zélés. Musique dans les chaînes, nous fait pas les poses. On va pas te killer depuis qu'il est jeune. Mais c'est qui ce jeune? Boulot fait que payer. On a tout le bénéfice. On l'appelle Kazama, Atoya, ma fille. Ton cerveau est lent, nous on va vite. Je viens du sombre, je viens d'en bas. Oh god, contrôle-moi. Je suis trop fort en le frère.